d'une vagabonde. Du chemin qui mène nulle part. Quand les anges lui répondent, elle rêve d'un nouveau départ dans sa vie. Dans sa vie. Dans sa vie. Dans sa vie. Elle voudrait du danger. Vivre sans trop s'en faire. Elle ne veut plus résister. Elle cherche encore la lumière. Dans sa vie. Dans sa vie, dans sa vie, dans sa vie. Ravive le feu qui s'éteint dans sa vie.